Ndikomanyanga. Bonjour chers auditrices, auditeurs de la radio Siangalelo, bienvenue à ce journal. Donc voici d'abord les titres. Quatre étrangers dont trois Ougandais et une Australienne ont été arrêtés en commune Guiterani de la province Muyinga. Ce samedi, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique indique qu'il s'agit des touristes qui ont franchi les eaux du Burundi dans le lac Bweru. Et le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida demande la suspension temporaire des associations des tradis praticiens et diététiciens dans une correspondance adressée au ministère de l'Intérieur. Docteur Tadendi Koumana, ministre de la Santé, dit que c'est dans le but d'empêcher ce qui se cache derrière la médecine. Et au sud du pays, la pénurie de l'électricité fait parler d'elle dans les localités de Mugara et Buruokiro. Nous sommes en commune et province Rumonge et à Gitega. C'est la pénurie d'eau potable qui fait parler d'elle dans le centre-ville de Gitega. Et la population de la place reproche à la régie des eaux de ne rien faire pour rendre l'eau permanente dans leur quartier. Voilà pour le titre. François Kimana sur la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Quatre étrangers, dont trois Ougandais et une Australienne, ont été arrêtés en commune Guiterani de la province Muyinga ce samedi. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique indique qu'il s'agit de touristes qui ont franchi les eaux du Burundi dans le lac Gweru. Après enquête, Pierre Ngurikiye indique qu'ils ont constaté qu'il ne s'agissait pas des criminels. Pour le moment, il dit qu'ils ont été renvoyés vers le Rwanda puisqu'il détenait des visas touristiques du Rwanda. Je vous le disais en titre, le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida demande la suspension temporaire des associations des tradis praticiens et diététiciens dans une correspondance adressée au ministre de l'Intérieur, Dr Tadendi Koumana. Ministre de la Santé dit que c'est dans le but d'empêcher ce qui se cache derrière la médecine traditionnelle pour escroquer la population. Il explique que ces associations qui sont agréées par le ministère de l'Intérieur utilisent ces documents pour exercer l'art de guérir alors qu'ils devraient avoir un contrat de partenariat avec le ministère de la Santé publique avant d'exercer l'art de guérir. Docteur Jean Bosco Girukushaka, porte-parole du ministère de la Santé, dit que c'est dans le but de réglementer ce secteur. Les motivations de cette correspondance résultent dans la mesure où nous avons constaté que cette dernière ayant obtenu des attestations d'agrément, ordonnances d'agrément du ministère, ont utilisé ces derniers pour exercer la médecine traditionnelle sur terrain, alors que ces autorisations ne donnent pas le droit à exercer l'art de guérir. Nous avons alors donc voulu solliciter l'intervention du ministère et à l'intérieur dans ses attributions qui gèrent ces associations pour nous aider à faire de suspendre ces activités d'exercer l'art de guérir pour ces associations alors qu'elles n'ont pas l'autorisation du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Pour le moment, ça fait un bout de temps que le ministère est en train de mettre en place des textes qui vont réglementer la médecine traditionnelle ainsi que le secteur de la supplémentation nutritive. Et certains textes sont déjà adoptés et promulgués, mais il y a d'autres textes qui sont toujours en cours. Est-ce que actuellement aucune association des tradis praticiens n'a de partenariat avec le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida? Actuellement, il n'y a aucune association des tradis praticiens et diététiciens qui a une convention de partenariat avec le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Est-ce que vous ne voyez pas que les malades risquent d'être victimes? Parce que certains d'entre eux disent que les médicaments modernes sont très chers et d'autres disent que des fois ces médicaments ne sont pas efficaces Est-ce que vous ne voyez pas que vous risquez de les victimiser? Sur ce sujet, je voudrais d'abord vous signifier que le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida n'est pas contre l'utilisation des médicaments à base de plantes, mais aussi des aliments naturels comme médicaments. Nous voudrions vraiment que ce secteur soit réglementé pour éviter qu'il y ait des charlatans ou d'autres individus qui puissent se cacher derrière des associations ou autres traditionnels pour polier de l'argent pour la population qui s'adresse à ces derniers. Docteur Jean Bosco Guirou-Kishaka, porte-parole du ministère de la Santé publique, a été joint au téléphone par Gertrude Mawenayo. À ce sujet, certains des malades qui se font soigner chez les tradipraticiens disent être inquiétés par la mesure de suspension temporaire de la médecine traditionnelle par le ministère de la Santé publique. Et ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Sanganiro disent que les tradipraticiens leur donnent des médicaments efficaces et à un prix abordable, alors que la médecine moderne est chère et quelquefois moins efficace. Ils demandent au ministère de la Santé publique de collaborer avec ses médecins traditionnels pour le bien-être de la population. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Le ministre de l'Environnement, de l'Élevage et de l'Agriculture dit que les travaux de démolition des maisons construites illégalement à Buterere au centre d'épuration doivent être faits avec sagesse. Deo Guy Derulema l'a dit lors de la présentation du bilan trimestriel de son ministère. En ce qui concerne le ministère, Deo Guy Derulema dit qu'ils ont déjà établi les responsabilités de tout un chacun dans cette distribution illégale des parcelles dans cette zone. Il a dit que parmi ceux-là figurent certains cadres de son ministère ainsi que certains directeurs du ministère de l'Intérieur. Suivez-le dans la traduction avec Richard Kugarukit. En ce qui nous avait été demandé, nous avons pu refaire le plan de délimitation de ce centre d'épuration de Buterere. Ce plan, nous l'avons rendu public et nous avons fait des descentes sur terrain dans cette optique. Puis, nous avons, sur base d'enquêtes et de documents que nous avions, pu montrer les infrastructures qui sont dans cette zone et qui ont été construites illégalement. Nous avons mis au clair les responsables. Nous avons également établi les responsabilité de tout un chacun, de ceux qui ont octroyé des documents sans en avoir les prérogatives. On citerait entre autres certains cadres du ministère de l'Environnement, l'Élevage et l'Agriculture, ainsi que certains directeurs du ministère de l'Intérieur pour le cas de Bujumbura. Et nous avons déjà soumis ce rapport. En effet, ce que l'on nous demandera, nous l'exécuterons. Néanmoins, ces travaux présentent des aspects socio-économiques, mais également il est question de plaider pour l'intérêt public pour ne pas seulement protéger des intérêts personnel. Donc, il faut comprendre que ces travaux doivent être faits avec sagesse et délicatesse en tenant compte d'un meilleur avenir de notre pays. C'était le ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et de l'Élevage. 25 ONG étrangères se sont déjà fait réenregistrer à partir du 1er octobre jusqu'aujourd'hui après la mesure de suspension des activités de ces ONG prises par le Conseil national de sécurité. Cette situation vient d'être brossée par le ministre de l'Intérieur dans un point de presse de ce lundi. Pascal Ibarandaguié, qui salue le pas franchi dans ce pré-enregistrement, précise qu'il y a une autre liste de 11 ONG demandant le réenregistrement, mais leur dossier reste incomplet et appelle ces ONG de passer à la direction générale pour les compléter. On l'écoute. Au moment où je vous parle, 25 ONG sont déjà réenregistrées. Et en tête, l'ONG, la première à se faire enregistrer, c'est World Vision International, Burundi, 2, World Relief, 3, One Anchor Fund, 4, Action Aid, 5, Family Health International, vient ensuite Catholic Relief Services, John Snow ENC, The Crisis of a Child, Groupe de Volontariat Civil, Chemonix, Food for the Hungry, Beloved Orphan Outreach, Missions Blood, Counterpart International, ADRA, Karen Hassonaro Burundi, IRC, ainsi que ZOA, War Child Holland Burundi, Population Services International, PSI, ainsi que AVSI, ainsi que People for Development, Broad Life, DERN au Burundi, Impunity Watch, In Gender Health. C'est le moment de féliciter ces ONG qui ont répondu spontanément à l'appel qui leur a été lancé par le gouvernement. Et d'ailleurs, le constat a démontré que ce sont ces ONG déjà enregistrées qui sont opérationnelles sur le terrain. Tandis que d'autres, probablement qu'il y en a qui sont encore en attente de compléter les dossiers, qui sont au nombre de 11. Ici, nous avons Caritas International, Africa Startup, Pro Action Development, Alarm, Think East Africa, François-Xavier de Banyoud, SOS Village, Conseil danois pour les réfugiés, Pathfinder, Iron Grand Lac, Agro Action Allemande. Pour les 11, les dossiers sont déposés, mais ils sont incomplets. C'est le moment pour inviter ces ONG de se présenter à la direction générale en charge des ONG pour compléter leurs dossiers. Ce qui manque le plus souvent, ce sont les protocoles d'exécution signés avec les ministères techniques, mais aussi le plan progressif de mise en application des équilibres constitutionnels dans le recrutement du personnel. Place à l'éducation à présent, la mesure de surseoir sur la collecte des frais d'assurance et de sport a été motivée par le fait que certains directeurs d'école n'associent pas les comités de gestion des écoles dans cette collecte. Le porte-parole de ce ministère l'a dit ce lundi dans un point de presse. Djuma Edouard dit qu'il s'est avéré que les intérêts des parents et des éduqués ne se seraient pas pris en compte dans la collecte de cet argent. Suivez à ce propos Djuma Edouard, porte-parole du ministère de l'Éducation. Le ministre de l'Éducation, de la Formation technique et professionnelle a suspendu l'opération de collecte des frais d'assurance et de sport dans toutes les écoles jusqu'à nouvel ordre. Contrairement à ce que certains voudraient faire croire, en aucun cas la mesure ne remet en question les dispositions de l'ordonnance conjointe du 17 juillet 2018 fixant ces frais. Elle vise plutôt sa mise en application efficiente. En ordonnant cette suspension, le ministère n'a fait que s'acquitter de son devoir régalien, celui de réguler le système et de protéger les intérêts des élèves et leurs parents. Des divergences ont été constatées, aussi bien au niveau de l'appréciation de la mesure que dans les modalités de collecte et de gestion de ces frais, que ce soit chez les parents et chez les responsables scolaires, dont certains ont ignoré carrément le comité de gestion de l'école, tandis que d'autres y ont trouvé un motif de renvoyer massivement les élèves par intermittence. Face aux écarts d'une ampleur aussi remarquable, le ministère devait impérativement agir, bien entendu, après concertation avec les autres institutions concernées. Il s'agit bien d'une suspension et non d'une suppression. Cette mesure vient donc répondre à un souci d'ordre et d'harmonie dans les procédures. Le ministère voudrait se donner le temps matériel nécessaire pour repréciser de manière détaillée les procédures à suivre dans l'opération de collecte et de gestion de ces frais d'assurance et de sport. Économie à présent, le marché des capitaux ne vient pas substituer les banques commerciales au Burundi, mais les banques pourront figurer parmi les investisseurs dans ce marché. C'est ce qui est dit par Arsène Mugendi, chargé de la régulation de marché des capitaux à la Banque de la République du Burundi, dans une rencontre avec les journalistes économiques. Il affirme également que l'arsenal juridique dont l'autorité de régulation de ce marché sera mise en place pour protéger les investisseurs. On l'écoute. Le gouvernement du Burundi est en train de mettre en place le marché des capitaux. Le marché des capitaux est un lieu de rencontre entre les détenteurs de capitaux avec des agents en besoin de capitaux. C'est-à-dire que traditionnellement, ces deux se rencontraient à partir des banques, mais avec le marché des capitaux, il y a une rencontre plus ou moins directe entre les agents détenant les capitaux et les agents en besoin de capitaux. Ce qu'il y a de nouveau dans ce projet, c'est qu'il y a cette possibilité de pouvoir mobiliser les financements à partir d'une gamme d'investisseurs plus ou moins large. Et puisque avec le marché des capitaux, un investisseur pourra investir dans plusieurs activités de son choix. Ici, si je parle d'un émetteur, je parle de ses agents en besoin de financement. Ils pourront aussi avoir accès à plusieurs investissements de plusieurs horizons, mais aussi à plus long terme. Et puisque le financement classique auquel nous sommes habitués avec les banques commerciales et couvre une période plus ou moins petite pour réaliser un projet de grande envergure. Mais avec le marché des capitaux, une entreprise peut être détenue aisément par 5 000, 10 000 investisseurs. Et lorsque 1, 10 ou 20 veulent se désister ou de se désengager de cette entreprise, ils ne s'adressent pas à l'entreprise mère pour mettre à mal ces financements, mais mettre leur part sur le marché des capitaux. Comme ça, l'entreprise continue son travail et seulement les détenteurs changent de nom. Est-ce qu'on ne peut pas craindre que ce marché des capitaux vienne omettre les banques commerciales au Burundi? Non, pas du tout, puisque parmi les acteurs de ce marché des capitaux, la plupart sont des banques. Isanganiro. Certains habitants du quartier Bussoro de la zone Kanyosha-Mairie de Bujumbura disent être inquiétés puisqu'ils peuvent être inondés suite à la viabilisation d'un nouveau quartier dans cette localité. Ils expliquent qu'on n'a pas encore tracé des canalisations dans ce quartier en cours de viabilisation alors qu'on est dans la période pluvieuse. Les détails avec Vestine Otoy. Nyenga Bussoro, le nouveau quartier en cours de viabilisation, se trouve sur la colline Nyenga. Dans cette localité, s'observe un seul caniveau plein de sable en provenance des eaux de ruissellement. Et ce caniveau divise la partie Bussoro et celle du nouveau quartier en cours de viabilisation de Nyenga. Il y a également des machines en train de tracer les routes. Ce qui est remarquable, c'est qu'on n'a pas encore tracé aucun caniveau. Certains habitants de la localité environnante du nouveau quartier en cours de viabilisation affirment qu'il y a tant d'inondations pendant la période pluvieuse et que cette fois-ci, avec les eaux qui proviendraient de son nouveau quartier, ça deviendrait grave. L'autre ajoute que beaucoup de conséquences pourraient surgir étant donné que cette localité est traversée des eaux de ruissellement à grande vitesse. Il demande aux autorités habilitées de tracer beaucoup de caniveaux afin de prévenir les catastrophes qui pourraient s'abattre sur eux. Ces habitants indiquent que c'est l'entreprise SIP qui a gagné le marché de viabilisation de son nouveau quartier. Merci à Vestine Boutoyi. Des activités nécessitant du courant électrique au point mort depuis bientôt 2 semaines au centre Mugara et Burhu Kiro en commune et province Rumonge. Les utilisateurs demandent à la régie des eaux d'intervenir au niveau de la régie des eaux centre Rumonge. On informe que la question est déjà connue au niveau de Bujumbura. D'où viendra cette intervention? Les habitants des quartiers de la ville de Gitega qui souffrent plus de la pénurie d'eau de la régie des eaux reprochent à cette entreprise de ne rien faire pour rendre l'eau permanente dans leur quartier. Le chef d'antenne de la régie des eaux, région centre-est, indique que ces pénuries d'eau occasionnent la diminution de ses recettes. Il précise néanmoins qu'il y a un projet d'augmentation des quantités d'eau consommables dans cette ville. Les détails avec Gérard Nivikir. Les quartiers de la ville de Gitega qui sont plus concernés par des pénuries respectives d'eau sont Yova, Bwoga 1 et 2, Magarama, Nyamugari et Musinzira et des collines environnant la ville. Les habitants de ces quartiers reprochent à la régie des eaux de ne rien faire pour rendre l'eau permanente dans tous les quartiers sans distinction aucune. À propos, Jean-Claude Manirakiza, chef d'antenne de la régie des eaux région centre-est, fait savoir qu'il est devenu difficile d'alimenter en eau tous les quartiers de la ville et de Gitega pour plusieurs raisons. Primo, le changement climatique. Secondo, l'extension de la ville. Tertio, la réduction des eaux dans des sources et forages. Quarto, la longue durée des saisons sèches. Il souligne qu'à ces causes s'ajoute la topographie de la ville de Gitega, de monts et vallées, ce qui fait que les zones les plus surélevées soient peu ou presque pas alimentées en eau, tandis que les zones de basse altitude sont régulièrement alimentées en eau. Il ajoute que des pénuries permanentes ou répétitives d'eau occasionnent la diminution des recettes de la régie des eaux. Il précise cependant que des projets d'augmentation de l'eau dans la ville de Gitega sont en cours d'étude, surtout que Gitega sera bientôt capitale politique. Toutefois, la population apprécie le fait que les cas de coupures électriques sont sensiblement réduits ces jours-ci. Depuis Gitega, Jean-Yves Guilla pour Radio Isanganiro. Parlons sport avant de boucler la boucle de ce journal. Les équipes de Messager Ngozi et Vitalo FC qui représenteront le Burundi dans la Ligue des champions africains et la Coupe de la Confédération de la CAF ont remporté la victoire lors de la 14e journée du championnat national en première division au basketball. Le championnat de la deuxième édition de la Coupe du Président était à la deuxième journée ce week-end. Et au volleyball, ce sont les équipes de Gitega et Bururi qui ont gagné les trophées du championnat national de volleyball édition 2018. Les détails avec Jean-Marie Vianney Nguedakoumane. Le championnat national de football en première division était à la 14e journée ce week-end. Samedi, 5 matchs ont été joués dans les différents terrains de football. Buja City a battu Flambeau de l'Est 1-0. Flambeau du Centre a été battu 2-1 par Kayanza United. Devant ses supporters, Olympique Star a corrigé Athletico Olympique 3-1. La formation Ngozi City a égalisé 1-0 avec Messager Bujumbura. Le match qui était très attendu par les amateurs du ballon rond est celui qui a opposé Vitalo FC et Musongati FC de Gitega au stade Place Louis Gwagasore qui s'est soldé sur la victoire de Vitalo avec 1-0. Ce dimanche, 3 matchs ont été joués. Messager Ngozi a battu Bumamuru 2-1. L'ailier s'est incliné 2-0 face à Aigle Noir de Fighters de Makamba et la formation policière de Lukinzo a été battue 1-0 par Lydia Dike Burundi Sport for Africa. Au basketball, le championnat de la deuxième édition du Coupe du Président était à la deuxième journée. New Star a battu Chibitoke 120 points à 33 points. Lumonge a été battu 69 points à 41 par Bururi. Ngozi a battu Kayanza 59 à 45 points. Et la formation Urunani a battu Bujumbura 140 points à 40. Bubanza a été battu 105 points à 50 points. Et Jimukana a battu Muramza sur le score de 85 points à 69. L'autre actualité sportive qui a marqué le week-end écoulé, c'est la finale du championnat national de volleyball édition 2018. Du côté masculin, c'est la province de Gitega qui a remporté le trophée après avoir éliminé Bujumbura sur le score de 3-7-0. Du côté féminin, c'est la formation féminine de Bururi qui a été sacrée championne après avoir battu celle de Gitega 3-7-0. Merci, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous.